comme Black Mirror. Ton vrai ennemi c'est toi, regarde-toi dans le miroir. Tu faisais les stars, mais pour la plupart je les écoutais quand j'étais petit. Maintenant j'en fais peur quand je débarque. Des fois bon délire, mais des fois je sais pas, je suis bizarre. J'attends le passeport vert, ça rend fou de faire le visa. À l'époque du petit paquet, on les mettait à paillole. C'est pour mon pouce, mon ir qui lève des belles à la caillole. Les schmitty rod, aïe rod, aïe rod, aïe rod. Les schmitty rod, aïe rod, aïe rod, aïe rod. La marijuana, j'suis avec ma guapa. Lui, il fait le voyou, mais il a pas wata. Un joint, tu le déclares pas. T'as pas le sens, tu partages. Elle, elle veut ta monnaie et te fait faire des braquages. Avec ma guapa, lui il fait le voyou, mais il a pas wata.